Les gens superficiels, les artistes en comptent beaucoup trop dans leur sein, ont dit que la sculpture existait par le nu seulement, qu'elle était morte avec la Grèce et que le vêtement moderne la rendait impossible. D'abord, les anciens ont fait de sublimes statues entièrement voilées, comme la Polymnie, la Julie, etc. Et nous n'avons pas trouvé la dixième partie de leurs œuvres. Puis que les vrais amants de l'art aillent voir à Florence le penseur de Michel-Ange, et dans la cathédrale de Mayence, la Vierge d'Albert Dürer, qui a fait, en ébène, une femme vivante sous ses triples robes, et la chevelure la plus ondoyante, la plus maniable que jamais femme de chambre ait peignée. Que les ignorants y courent, et tous reconnaîtront que le génie peut imprégner l'habit, l'armure, la robe, d'une pensée, et y mettre un corps, tout aussi bien que l'homme imprime son caractère et les habitudes de sa vie à son enveloppe. La sculpture est la réalisation continuelle du fait qui s'est appelé pour la seule et unique fois dans la peinture, Raphaël. La solution de ce terrible problème ne se trouve que dans un travail constant, soutenu, car les difficultés matérielles doivent être vaincues. La main doit être si châtiée, si prête et obéissante, que le sculpteur puisse lutter âme à âme avec cette insaisissable nature morale qu'il faut transfigurer en la matérialisant. Si Paganini, qui faisait raconter son âme par les cordes de son violon, avait passé 3 jours sans étudier, il aurait perdu, selon son expression, le registre de son instrument. Il désignait ainsi le mariage existant entre le bois, l'archer, les cordes et lui, cet accord dissous. Il serait devenu soudain un violoniste ordinaire.